Les Trois Rois, par Edmond Pilon. Tandis que Tancred flânait sur le quai à Port Saïd, le boy de l'hôtel anglais, un négrillon à tunique rouge et pieds nus, le rejoignit en hâte, agitant une dépêche au bout de sa main brune. « À vous, Massa, à vous !» Tancred brisa l'enveloppe et lut ces mots que lui adressait Pierre, le seul de ses frères demeuré en France. « Madeleine, pas bien, les temps sont proches, revenir !» Le jeune homme à présent marchait parmi les alliés, les matelots du paquebot des messageries et les calfats turcs. Il croisa nerveusement le papier, contempla un instant encore, perdu, fondu dans l'air du soir, la côte de l'Arabie, et s'élevant au loin au-dessus des dunes, les petits bois maigres des figuiers et des sycomores. Mais ces images douces d'un pays fortuné semblaient brusquement ne plus lui plaire. Tournant les talons, le voyageur abandonna le port, revint vers la ville, pénétra au milieu des ruelles étroites, où des marchands de Malte, de Chypre et du Caire exposent, dans une chaude confusion de fruits pourpres, d'étoffes et de perles, tout un bric-à-brac enchanté d'Orient. Les temps sont proches, ainsi avait télégraphié Pierre. Tandis qu'il se répétait à lui-même ces mots, Tancred, à mesure qu'il avançait au milieu des parfums, dans le soleil et dans la poussière, pensait à Madeleine. Il revoyait la jeune femme, une brune charmante à pommade, à grands yeux de langueur, toute vêtue d'étoffes lâches, parée de colliers, d'anneaux, et comme une fée des contes, il l'entendait rire. Mais ce rire heureux, est-ce qu'il ne tintait pas pareil à un rire ancien, brisé depuis par les larmes, dans le souvenir du jeune homme? Pauvre Madeleine! Quelle destinée étrange avait été la sienne! À 22 ans, il y avait 10 mois environ, elle avait épousé François, le frère de Tancred. Par une fatalité épouvantable, quelques semaines seulement après le mariage, subitement, François était mort, laissant Madeleine enceinte, sans famille, isolée, n'ayant pour s'occuper d'elle au monde que lui, Tancred. Pierre, un autre frère de François, demeurait à Paris. Enfin Laurent, un troisième d'entre eux, occupé dans les Antilles et qui ne tarderait pas à revenir sans doute, ainsi que lui-même, au foyer touché par la mort. Madeleine pas bien, revenir. Quelque chose d'impératif perçait dans ces mots du télégramme. L'on était au milieu de décembre, quelqu'un allait naître, un enfant de François, du frère en allée, du plus aimé d'entre eux. En toute hâte, Tancred compta, calcula un moment les jours. Il vit qu'il pourrait être à Paris pour Noël. Alors, en prévision de l'événement heureux, il pénétra dans un bazar, choisit l'un des coffrets du plus beau bois incrusté de nacre et d'or, revint à son hôtel et de là, chargé du précieux fardeau, vers l'endroit du port où le paquebot attendait, prêt à parier. C'est à Paris, dans un appartement qui donne sur le Luxembourg. Du fond du grand lit où elle souffre, abattue par la fièvre, Madeleine considère les hauts arbres dépouillés, masqués de brouillard et vêtus de givre. La jeune femme sent le secret travail de la maternité s'accomplir en elle. Dans le monotone passage des heures, elle n'a, depuis le matin, d'autres plaisirs douloureux que de contempler près d'elle la photographie de François, de l'époux disparu, placée pieusement sur la table entre des mimosas et des violettes. D'instant en instant, la garde, une femme âgée vêtue de blanc, pénètre jusqu'à elle, lui tend une tisane douce que Madeleine, soulevée sur le coude, boit à gorge gélante. Monsieur Pierre, Marie, reviendra-t-il aujourd'hui ? Monsieur Pierre viendra dans un instant, madame. Sait-on si Monsieur Tancred et Monsieur Laurent ont répondu au télégramme de Monsieur Pierre? Je ne crois pas, madame. Monsieur Pierre ne l'a pas dit encore. La garde se tait. Du jardin d'hiver, balayé d'une bourrasque de neige, ne monte aucun souffle. C'est le complet silence, et dans cette quiétude, Madeleine, toute allongée, pensive et frileuse, ne semble plus occupée que des trois frères de son mari. Pierre, le plus jeune, le plus timide, celui qui n'a jamais voulu voyager et n'a cessé, fixé pour toujours à Paris, de s'occuper si affectueusement d'elle. Laurent, risque-tout, planteur à la Barbade, et dont elle revoit la haute taille, la démarche balancée, dont elle entend sonner le bon rire. Enfin, Tancred. Tancred, celui qui est allé chercher fortune aux Indes, et dont le profil bronzé, si mâle et si fin à la fois, n'est pas sans ressembler à plus d'un trait à celui de ce roi d'Éthiopie que Madeleine aperçoit sur une photographie d'un tableau des mages accroché au mur, venant du fond du désert, suivi de sa caravane et de ses esclaves, vers un nouveau-né. Le nouveau-né, celui que portaient ses flancs, celui qu'elle attendait si impatiemment, ressemblerait-il assez à François? Serait-il assez l'image vivante de l'époux le plus tendre et le plus regretté? « Bonne nouvelle, Madeleine, bonne nouvelle !» C'est Pierre, brusquement, qui entre. « Tancrède m'a répondu. Il a quitté Port Saïd voici 5 jours. Il ne tardera pas d'être ici bientôt. »« Et Laurent ?» demande Madeleine. « Laurent, je vais aujourd'hui même le chercher au Havre par l'express du soir. Il sera demain des nôtres. » Madeleine lève vers Pierre ses beaux et grands yeux empreints de gratitude. « Adieu, Madeleine, à demain. À demain, Pierre. » Le jeune homme baise la pâle main de Madeleine, soulève la tenture et s'en va. À ce moment de joyeux chants, les rires juvéniles montent de la rue, du jardin parisien vers la fenêtre. « Qu'est-ce donc, Marie ?» La garde se penche, écarte un rideau. « Ah, madame, les étudiants, on voit bien que Noël est proche, ils s'amusent. » Noël. Il semble que ce mot lumineux rayonne dans l'idée de la jeune femme avec la persistance et l'éclat d'une étoile. Pierre et Laurent venaient d'arriver. Laurent, celui qui avait été dans les Antilles, rapportait des colibris dans des cages et dans des paniers des fruits éclatants. Le séjour dans les plantations ne l'avait pas changé. À peine s'il était un peu plus brun qu'au départ, les traits plus affinés, les regards plus animés dans des yeux plus vifs. Dans l'antichambre, le docteur, affairé, les reçut. « Encore un moment, un seul !» Il se retira, souriant, poli. Un grand cri succéda, venu de la chambre de Madeleine, puis un temps qui parut un siècle. Le docteur ne reparaissait plus. Tandis que Pierre et Laurent, oppressés, étaient à l'attendre, Tancrède arriva, chargé lui aussi de présents, portant le coffret arabe acheté dans Port Saïd. Étreinte silencieuse des mains, et ce docteur qui ne revenait pas, hein, que Madeleine devait souffrir. Un bruit de pas, pourtant, la garde ouvrait la porte. « C'est un garçon, messieurs, entrez !» À l'instant où les cloches dehors commençaient à sonner Noël, dans la chambre où flambait le grand feu d'hiver, tous trois pénétrèrent. À moitié évanouie, plus blanche que le lit même où elle gisait, Madeleine était étendue. Du fond de son anéantissement, malgré sa souffrance pourtant, elle vit ses beaux frères qui venaient à elle. Sur l'écran blanc du mur, dans le demi-jour des lampes, tous trois, surgis de l'ombre, semblaient se confondre au portrait des mages. Comme eux, ils paraissaient lointains, recueillis, graves. Comme eux, ils arrivaient, chargés de présents, du fond de fabuleux pays, vers un nouveau-né. Ah, nativité, la plus belle des fêtes! Madeleine sentait l'enfant bâgissant, tout tiède, auprès d'elle. Tandis que les cloches sonnaient, passionnément elle le contempla. Son indéfinissable sourire trahissait à quel point c'était son bonheur douloureux, plein d'espoir et d'orgueil, de penser à François, qui se survivait dans l'enfant. De gratitude, d'extase, Madeleine joignait les mains. Devant elle, au pied du lit, transfigurée, grandie de toute leur ombre, Pierre, Tancrède et Laurent, élevant leurs présents, semblaient dans la nuit, inclinés vers le nouveau-né, dédier l'encens et la myrrhe et l'or. Edmond Pilon.